waaw bii moom benn secular secu bi nekk fenn la mën léegi waa ji di tukki daal di ko fay bàyyi nag léegi nag jabaru waa ji daal di jël secu bi rek dugal ci congélateur bi léegi secu bi nag nekk ci congélateur bi nag sa jour waa ji yëpp léegi nag waa ji ñibbi si waaye waa ji ñibbi si rek secu bi nag nekk ci kaas bi rek daal di mer waa ji nekk waa secu alors lu xew sama gannaaw mu ne ko yii nekkuma si woon France laa nekkoon